Chapitre 15e, le pourvoi. 3 jours, la condamnée avait 3 jours pour se pourvoir en cassation. La première pensée de Maître Maxou, après le prononcé de l'arrêt, avait été d'aller trouver Flavien dans sa prison, afin de lui faire signer immédiatement un pourvoi. Mais après réflexion, il se décida à laisser une nuit à la pauvre fille, et lui permettre ainsi d'envisager froidement sa situation. Le lendemain, lorsqu'il se présenta devant elle, il fut frappé du changement qui s'était opéré dans son attitude et sur sa physionomie. Son visage avait pris des lignes plus arrêtées. Son regard habituellement si doux brillait d'un feu sombre. C'était Flavia, mais transfigurée. Une trace fugitive d'émotion se peignit sur ses traits lorsqu'elle vit entrer son défenseur. « Merci, » dit-elle en lui tendant la main. « Tout ce qu'il était possible à l'éloquence de faire pour prouver mon innocence, vous l'avez fait. Encore une fois, merci. J'ai fait de mon mieux. » répondit Maxou d'une voix pleine de tristesse. « Ah, j'avais trop compté sur moi, peut-être. Peut-être un autre vous aurait-il sauvé. Non. Je devais fatalement succomber dans cette lutte inégale, » répliqua Flavia. « Ceux qui voulaient me perdre m'avaient enserré dans un cercle infernal dont je ne pouvais sortir que condamné. » Ces paroles et l'accent avec lequel elles furent prononcées jetèrent son jeune défenseur dans un étonnement inexprimable. « Mais vous soupçonnez donc quel est l'auteur ou quels sont les auteurs du crime ? » demanda-t-il vivement à Flavia. « Peut-être, » répondit-elle. « Alors, rien n'est désespéré, » s'écria Maxou. « J'ai constaté de nullité de procédure qui feront casser l'arrêt. Signe le pourvoi que voici, nous recommencerons la lutte, et avec l'aide de Dieu, cette fois, sans doute, nous triompherons. »« Reprenez ce papier, » dit la condamnée, « je ne le signerai pas. »« Mais c'est de la folie. » »« Folie ou non, ma résolution est irrévocable. » Pourquoi ? Expliquez-vous. Si je révélais devant de nouveaux juges les épouvantables soupçons qui m'ont assailli pendant les longues heures de mon emprisonnement, on ne me croirait pas. On crierait à la calomnie, à l'imposture, et je serais frappé d'une condamnation plus horrible que la première. Je crois rêver. J'ai la tête perdue, je ne comprends plus, dit Maxou. Quoi ? Vous n'auriez peut-être qu'un mot à prononcer et vous préférez subir une peine infamante ? 10 ans, ce n'est pas toute la vie. Répondit Flavia, « dans 10 ans, je sortirai de prison et je me mettrai en quête de la main ténébreuse qui m'a marqué au front d'un stigmate d'infamie. Tôt ou tard, je finirai par la découvrir, et que ce soit celle que je soupçonne ou une autre, soyez tranquille, je me vengerai. » « Vous vengez, et comment ?»« À la façon des justiciers primitifs, des sauvages, œil pour œil, dent pour dent. Ah, je ne ferai grâce de rien. » Je me rembourserai avec usure de toutes les tortures que j'aurais endurées. Ce jour-là, je vous appellerai et vous assisterai, je vous le jure, au drame le plus effroyable que vous aurez jamais vu. » Maxou, par instant, se demandait si la secousse terrible ressentie la veille par Flavia n'avait point ébranlé son cerveau, et s'il avait conscience de ses paroles. « Vous me croyez folle, n'est-ce pas ? » continua-t-elle. « Rassurez-vous, jamais je n'étais plus en possession de moi-même. J'ai bien ma raison, toute ma raison. » « Je n'insisterai pas davantage, » répondit son défenseur. « Gardez votre secret jusqu'au jour où vous croirez devoir me le confier. Mais souvenez-vous que je vous appartiens complètement. Quelle que soit l'heure où vous ferez appel à mon dévouement, j'accourrai près de vous et je me mettrai à votre disposition. »« Je le savais, » dit la condamnée. Et prenant à deux mains la tête du jeune avocat, elle l'attira par un mouvement rapide contre ses lèvres et la baisa à plusieurs reprises. Quelques minutes plus tard, Maître Maxou sortait de la cellule. « Jusqu'au revoir, » lui dit Flavia, avec un sourire plein de mélancolie. « Jusqu'au revoir, pauvre enfant, » répondit-il. Il s'éloigna précipitamment pour ne pas laisser voir le désespoir qui le transportait. Le reporter Martineau, qui lui aussi avait foi en l'innocence de Flavia Morin, termina l'article dans lequel il rendait compte de l'arrêt prononcé par cette phrase qui a enfermé dans son laconisme tout un monde de suppositions. L'accusé est condamné, mais tout porte à croire que le dernier mot de cette mystérieuse affaire n'a pas été dit. L'avenir, selon toute probabilité, nous réserve de bien curieuses révélations.